This isn't marmalade, is it? Non, non, c'est de la confiture d'abricot. Qu'est-ce que c'est en anglais? Apricot. C'est ça. And what's this one? Let me taste. C'est bon. En français, c'est... Oh, qu'est-ce que c'est? Le nom. Oh, mais c'est très facile. Mademoiselle, s'il vous plaît. Oui, madame. La confiture, là. Qu'est-ce que c'est? Prune. C'est de la confiture de prune. Oh, oui, bien sûr. Prune? C'est très bon. Vous désirez un autre croissant, peut-être? Non. J'aime les croissants ici, mais je crois que non. Très bien, madame. Vous désirez autre chose? Encore du café? Non, merci. Oui, madame. Et vous, monsieur? Vous désirez quelque chose? Encore du thé? Morty? No. Non, merci, mademoiselle. Bravo, très bien. This doesn't look like prune to me. Oh non, ce n'est pas prune en anglais. It's not. Non, non, en anglais c'est... qu'est-ce que c'est? Ah oui, plum. Plum? Well, I thought she said... Non, non, en français, une prune, en anglais, a plum. En anglais, a prune, en français, pruneau. Un pruneau. Un pruneau? C'est ça. Prune, en français, c'est for you that is un faux ami. Faux ami? Pardon. In English, it's a false friend. Vous comprenez? It doesn't mean what I think it means. Exactement. Ah oui, je comprends. And are there any more of these? Faux amis? A few, but it is not a big problem. It could be. Maybe I'd better buy a dictionary. Un dictionnaire? Non, ce n'est pas nécessaire. You are learning very fast. Vous êtes en France, you are here a few hours, and déjà, vous connaissez beaucoup de mots. Already, you know many words. S'il vous plaît, monsieur, du beurre, du pain, délicieux, merci. Du thé, de la confiture de prune. But it's only breakfast. And anyway, what about when you're not around with me? Oui, c'est vrai. Can we get one this morning? Ce matin. We don't need to be at the fair till 11 o'clock. Quelle heure est-il? Il est 9h exactement. Ah, oh, bah oui, c'est possible. Mademoiselle? Oui, madame? Est-ce qu'il y a une librairie par ici? Une librairie? Je ne sais pas. Un instant. François? Quoi? Il y a une librairie par ici? Wait a minute. I want to buy a dictionary. D'accord. Well, librairie, that sounds like library. Ah non, for you, that is another... Vos amis? C'est ça. En français, une librairie, c'est un magasin pour acheter des livres. Where you buy books. A bookshop? C'est ça. Une librairie is a bookshop. Right, je comprends. So, what's a library? C'est une bibliothèque. Madame, vous voulez une librairie? Oui. Je ne sais pas s'il y a une librairie par ici, mais à la réception, il y a un guide de tous les magasins du quartier. Oh, bah, très bien. Merci beaucoup. De rien, madame. And that's the end of Unit 3.